Alors, on continue cette semaine dans Marc, chapitre 5, versets 1 à 34. Quel plaisir de voir qu'on avance dans la parole. Enfin, on arrive au chapitre 5. C'est une grande vitesse qu'on expérimente. Alors, on continue ensemble. Alors, j'ai intitulé le message aujourd'hui « La réponse au désespoir ». La réponse au désespoir. Laissez-moi vous raconter une histoire assez incroyable. Il y avait un bateau appelé The Save, le Sauvé, avec 53 membres d'équipage et 500 autres passagers. C'est un bateau portugais de quand même 2000 tonnes, alors un gros bateau. Ce bateau-là s'échoua sur une barre de sable tout près de l'Afrique de l'Est, durant une tempête qui s'était abattu sur la région. Alors, pendant que le sauvetage s'effectuait à partir de la côte, malheureusement, un feu s'est déclaré à même le bateau. Alors, le feu se propagea et arriva jusqu'à l'endroit où ils gardaient leurs armes et leurs munitions, parce que c'est un bateau pour une armée. Alors, évidemment, tout ça a explosé et le bateau s'est fendu en plein milieu. Donc, si les gens n'étaient pas morts à cause du feu initial, ensuite l'explosion, là, les gens se sont jetés à la mer pour nager vers la côte, quand même qui était relativement près. Alors, malheureusement, une fois à la mer, elle était infestée de requins. Alors, les requins se mettent à attaquer les passagers qui se sont jetés à la mer. Et pour les quelques individus qui se sont rendus sur la plage, cette plage était infestée de tigres, de lions et d'animaux sauvages. Alors, c'est un cas sans espoir que l'on voit ici. Est-ce que ça arrive dans votre vie parfois qu'il y a des époques de votre vie, des moments, des circonstances qui semblent sans aucun espoir comme ça? Moi, je sais que de voir dans nos vies des accumulations de misère. Et souvent, on se dit, il y a seulement Dieu qui peut nous aider. Alors, c'est ce qu'on va voir ici dans le chapitre 5. On va voir une grande intervention de la part de Jésus, une grande intervention et une opportune interruption. Une opportune interruption. La semaine prochaine, on va poursuivre avec la plus grande intervention et une sévère réaction. Alors, tout d'abord, une grande intervention. Dans chapitre 4, verset 35. On a regardé ça la semaine passée, quand on a regardé la tempête. Chapitre 4, verset 35 nous dit « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. » Passons sur l'autre rive. Ce même jour, sur le soir. Donc, on voit que c'était le soir, lorsque Jésus invite ses disciples à traverser le lac de Galilée, ou le lac de Génésareth, la mer de la Galilée. La mer de Galilée, c'est quand même relativement grand, c'est 13 000 de long, en kilomètres, à peu près 17 kilomètres, et au plus large, c'est 8 000 de large. L'endroit où Jésus et les disciples auraient traversé, c'est à peu près 5 000 de large. Donc, c'est une longue traversée quand même. Et on s'imagine que durant la traversée, en plus, ils ont frappé une tempête et tout ça les a retardés. Donc, ils arrivent de l'autre côté de la mer de la Galilée en pleine nuit, finalement. On peut s'imaginer minuit, 1 h du matin. Alors, c'est le noir absolu. Ils arrivent dans un endroit où il y a des grottes. Lisons le texte ensemble. Chapitre 5, verset 1. « Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer dans le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il les avait rompus ses chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accouru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur, » et lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, » lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait de là, près de la montagne, un grand troupeau de pourceaux en train de paître. Et les démons supplièrent Jésus en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent. Donc, on voit qu'il arrive, Jésus et les apôtres arrivent de l'autre côté, et c'est dans une région où il y a des grottes ou des caves qui sont faites dans des pierres de grès. Et de là, sort cet homme qui est complètement possédé, enragé. On nous dit que c'était comme des tombeaux, et effectivement, on enterrait des gens, là, on les mettait à même ces tombeaux-là. Et cet homme-là, vivant, lui, vit dans ces grottes habituellement réservées aux morts. Alors, on voit que cet homme-là est hors contrôle, comme on voit dans versets 4 et 5. On avait mis des chaînes sur lui, il brisait les fers. Personne n'avait la force de le dompter. D'ailleurs, le mot « dompter » ici parle vraiment d'un mot qu'on utilise pour des bêtes sauvages. Alors, on voit que cet homme-là est soumis à une intense oppression. Il est tourmenté par un grand nombre de démons, souvent, comme on voit ici, qui seraient sous le leadership de un démon qui lui tient la parole à Jésus. Ce qu'on voit dans ce passage-là aussi, c'est que ça saute des pronoms singuliers et pluriels. Donc, même cet homme-là, lui-même, il parle au singulier, ensuite il parle au pluriel, moi, nous. Alors, il est vraiment, il est déchiré. Quand Jésus lui demande « Quel est ton nom? » au verset 9, « Légion est mon nom. » Alors, on sait que l'Israël, à ce moment-là, était sous le leadership, sous l'emprise des Romains. Et les Romains étaient divisés en légions. Leurs soldats étaient divisés en légions. Et une légion, c'était environ 6000 hommes. 6000 hommes. Donc, on peut imaginer que ce jeune homme-là, parce qu'on a l'impression qu'il est jeune, puisqu'il se déchire des fers, il est physiquement très apte encore. Les légions se promenaient à travers l'Israël et causaient des ravages incroyables. Ils violaient les femmes, ils volaient toutes les possessions des Israéliens, tuaient les maris, un groupe absolument épouvantable. Donc, on peut imaginer que ce jeune homme-là aurait vu ces légions-là causer des atrocités pareilles. Donc, on ne sait pas exactement c'est quoi. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il y avait littéralement 6000 démons en lui ou des démons qui avaient une tendance, une capacité de faire des choses horribles? Donc, ce qu'on sait, c'est que si on était conscient du nombre de démons qui nous entourent, nous-mêmes aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où l'action spirituelle, l'activité spirituelle et démoniaque est extrême. D'ailleurs, les Juifs disaient que Aucun homme, pourrait survivre s'il réalisait le nombre de démons qui l'entouraient. Alors, c'est la même chose pour nous. Si nous-mêmes, on sortait ici sur Sainte-Catherine, où on sortait et on voyait le nombre de démons ou d'agents spirituels de l'obscurité qui nous entouraient, on deviendrait fou. Donc, cet homme-là est sous la possession d'un grand nombre de démons. Tout ce passage-là ici, on a déjà parlé de la possession démoniaque et du travail de Jésus, comment Jésus est surpuissant, il est maître de Satan. On a vu ça dans un service que j'ai enseigné il y a plusieurs mois, au tout début de nos rencontres. Vous pouvez voir ça dans les CD qu'on a disponibles ici. Mais rapidement, ce que ça nous amène à réaliser, c'est que la possession démoniaque, c'est une chose qui est réelle dans le temps de Jésus. C'est une chose qui est réelle. C'est pas inventé. C'est pas. Souvent, d'ailleurs, même les chrétiens voulaient minimiser, veulent aujourd'hui minimiser l'idée de la possession démoniaque. Oh, mais non, mais dans ce cas-ci, cet humain-là, il avait un problème mental, un peu de Prozac, quelques du lithium, et c'est réglé. Mais c'est pas ce qu'on voit, pas du tout, parce qu'on voit dans l'enseignement qu'on voit ici que les démons sont transférés par Jésus d'un individu à un troupeau de pourceaux. donner une vision à un troupeau de pourceaux. Donc, on voit que ces démons-là ont une personnalité et ils sont transférables. On sait bien qu'une maladie mentale n'est pas transférable. On ne pourra pas passer ça d'un individu à un troupeau de pourceaux. Donc, ça nous indique que ce n'est pas l'épilepsie, une maladie mentale, mais c'est bel et bien des démons avec personnalité qui ont envahi cet homme-là. Donc, la possession démoniaque, elle est réelle dans le temps de Jésus, selon ce texte. Ensuite, on voit que Satan est cruel, puissant et malicieux. On voit qu'il est cruel, parce que regarde ce qu'il fait à cet homme-là. Cet homme-là, on voit ici qu'il était, enchaîné. Ensuite, au verset 5, il criait et se meurtrissait avec des pierres. Alors, on peut imaginer l'état de son corps. Ça me fait penser à Gollum, ou Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Cette petite bestiole-là qui lui-même est envahie par par l'esprit de l'anneau, puis qui lui-même se meurtrit, son corps est tout meurtri. C'est un peu comme ça, je pense. On peut voir un peu un homme complètement envahi par les démons, puis son corps lui-même il est terrassé. Donc, Satan est cruel, il voudrait nous détruire, il voulait détruire cet homme-là, et c'est pire, il ne le fait pas mourir, il le garde en laisse, il utilise son corps pour voyager. Alors, on sait que Satan, qui est le prince de la noirceur, veut faire la même chose avec nous aujourd'hui. On voit que l'inspiration démoniaque moderne, disons, le désir de participer à une sexualité sans protection, le désir de se droguer, le désir de tout ça, qu'est-ce que ça fait à son corps? C'est la destruction. C'est une destruction. Ça amène ton corps à être finalement maîtrisé par la chair plutôt que par l'esprit. Donc, on voit que Satan continue à vouloir être cruel, puissant et malicieux auprès de nos vies aujourd'hui. Ensuite, et surtout, ce qu'on veut voir, c'est que les démons sont sous le contrôle et l'autorité complète de Jésus-Christ. Dieu merci. Et c'est ce qu'on voit dans notre enseignement il y a quelques mois, que Dieu est tout-puissant contre la noirceur. Alors, on voit ici, dans verset 8, « Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur, et lui demanda quel est ton nom, car nous sommes plusieurs, et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. » Alors, on voit que les démons tremblent devant Jésus, les démons ont peur, les démons n'ont pas la puissance nécessaire pour faire ce qu'ils veulent, ils doivent demander la permission à Jésus dans ce cas-ci, pour ne pas être chassé hors de cet homme et être détruit. On voit la même chose dans le livre de Job, comme Satan doit venir à Dieu, et c'est une histoire très intéressante, Satan doit venir à Dieu et demander la permission pour affecter, pour terrasser Job. Alors, c'est la même chose dans nos vies. On voit que Jésus est tout à fait maître de Satan. Aussi, ce que j'ai enseigné en détail auparavant, c'est que un chrétien, quelqu'un qui est habité par l'Esprit de Christ, l'Esprit Saint, ne peut pas partager son corps avec Satan. Alors ça, il faut que ce soit clair, un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Ça, c'est clair dans la parole, et c'est défendable. Et c'est quand on voit malheureusement tous ces mouvements chrétiens qui veulent dire que « Ah non, on peut être habité par des démons, alors il faut à ce moment-là faire un exorcisme des chrétiens, et pour un certain montant d'argent, je vais le faire dans votre vie », c'est naïf, et non seulement ça, mais c'est très, très dommageable. On voit ici que les démons sont sous l'emprise de Jésus-Christ. La permission, ils doivent demander la permission. Et ça, c'est bien de savoir dans nos vies que Christ est en contrôle. Christ est en contrôle. Et de toute façon, Satan est déchu. À la croix, Jésus a remporté le combat ultime contre Satan parce qu'il nous a permis d'être rachetés, d'être pardonnés, d'être sauvés et donc d'avoir l'Esprit Saint qui nous garde. Et on sait, selon le livre de l'Apocalypse, que Satan va être éliminé de façon permanente au retour de Jésus-Christ. Verset 15 à 17. Bon, c'est intéressant de voir toute cette histoire ici après que les démons se sont emparés des pourceaux. Verset 15 à 17. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui s'était arrivé au démoniaque ainsi qu'au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Incroyable, incroyable. Ils suppliaient Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Alors, on voit ici que les gens sont très dérangés par le fait que leur pourceau est intéressant ici. Les pourceaux, l'idée des porcs en Israël, c'est inacceptable parce que pour un juif, le porc, ce n'est pas cachère et c'était inacceptable d'avoir un troupeau de pourceaux. Alors donc, les gens, est-ce qu'ils avaient des troupeaux, est-ce qu'ils se cachaient, est-ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas exactement c'est quoi la dynamique, mais avoir des porcs en Israël, des cochons en Israël, ça va contre toutes les lois juives du temps. Donc, les gens sont très dérangés que leurs animaux meurent pour libérer cet homme. C'est encore comme ça aujourd'hui. Souvent, on voit que les gens mettent plus d'emphase sur les chiens, les animaux, les orques, les baleines, que sur les humains et les bébés humains, de toute évidence, avec toute la dynamique de l'avortement. On voit que les humains ont souvent tendance à surévaluer la valeur d'un animal, alors qu'on dévalue la valeur humaine. Et c'est pas ce que la Bible nous dit de faire. Évidemment, on nous dit de respecter la vie de toute forme végétale, animale, mais aussi que une vie sauvée comme celle qui était possédée par le démon et qui amène une perte d'animaux dans ce cas-ci, c'est acceptable. Alors, on voit ces humains-là qui veulent chasser Jésus, mais pourquoi? Parce que après avoir vu cet homme-là qui, lui, était emparé des démons, qui criait sur les champs, et soudainement il est guéri, mais pourquoi ils se réjouissent pas avec Jésus d'avoir guéri cet homme-là? Mais non. Et c'est comme ça aujourd'hui. Avez-vous remarqué quand vous avez été guéri, quand vous avez été libéré par Christ, quand vous êtes sauvé par le Seigneur, les gens veulent pas vraiment l'entendre parler. Ils veulent vous chasser, finalement. Ils veulent chasser Jésus, ça c'est sûr. Mais ils ne veulent pas vraiment entendre parler de votre conversion. Parce que les humains, en quelque part, ils ne veulent pas que leur routine soit dérangée. Je peux dire, en général, il y a quatre points où l'humain ne veut pas se faire déranger. Alors, premièrement, ne dérange pas mon confort. J'ai un confort, tu sais, on parle des gens qui se sont fait un petit nid. Ils veulent pas être dérangés. Alors, en quelque part, devenir chrétien, ça veut dire changer tes valeurs. Je veux pas être dérangé dans mon confort. La deuxième chose, ça va de pair, je veux pas être dérangé. Mes possessions à moi, ce que je possède, je veux pas que ça soit dérangé. Alors, on voit ici qu'eux, ils perdent leur troupeau de porcs, alors de cochons, donc ça, c'est inacceptable. Même chose aujourd'hui. Les gens qui deviennent chrétiens, en quelque part, il faut qu'ils changent la façon dont ils voient l'argent. Leur rapport avec l'argent doit changer. Donc, la façon dont ils achètent des bateaux, des Porsches, des voyages en Concorde, peut-être que c'est plus acceptable. Donc, les gens veulent pas se faire déranger dans leur confort matériel. Ensuite, ne dérange pas ma religion. Je rencontre en ce moment un médecin qui m'aide et il est catholique et on voit que il veut pas être dérangé dans sa religion. Tu vois, ça fait longtemps, il a amené ses enfants à travers là. Bon, je fais attention, je le respecte, mais je veux pas déranger ma religion. Donc, Jésus-Christ dérange notre religion. Hein? Je veux pas parler de sujets non plaisants, comme le besoin du salut, comme l'enfer. Je veux pas qu'une relation personnelle avec Jésus dérange ma religion. Alors, c'est ce qu'on voit. Ne dérange pas ma religion. Et finalement, ne dérange pas mes croyances. Et au Québec, de toute évidence, moi, je crois en Dieu, un Dieu abstrait, ou je crois au Christo, ou je crois en une variété d'approches vers un Dieu abstrait. Ne me dérange pas avec un Dieu spécifique. Ne me dérange pas avec le chemin, la vérité et la vie. Mais non. Donc, on voit ça. Les gens ne veulent pas se faire déranger. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bannissent Jésus. Ils l'ont fait dans le temps de Christ. Ils font aujourd'hui, et en quelque part, ils veulent nous bannir nous-mêmes dans ce processus-là. Ils ne veulent pas se faire déranger. Au verset 18 et 19, on voit après la libération de cet homme-là. Alors, ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. On vient de voir ça. Comme il montait dans la barque, Jésus, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'admiration. On voit que cet homme-là, lui évidemment, il vient de découvrir le salut, il vient d'être libéré d'une vie atroce, d'une sous-vie, d'être un zombie. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? De toute évidence, il veut rester avec Jésus-Christ. Et si vous aviez été dans sa position, ce serait la même chose. Nous, quand on a expérimenté le salut, on veut passer du temps avec d'autres chrétiens, on veut apprendre, on veut lire, on veut être à l'église. Alors lui avait la chance d'être dans la présence de Christ. Jésus dit non. C'est incroyable. Jésus dit non. Pourquoi? Premièrement, sachons que Jésus nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il sait là où on va être le plus efficace pour son royaume. Hein? C'est normal que quelqu'un veut le suivre. C'est tout à fait normal. Mais lui, Jésus, Dieu voit the big picture. Hein? Il est à l'extérieur du temps et il voit le futur et il voit qu'est-ce que cette personne peut amener dans la société dans laquelle il est. Donc, Jésus nous connaît mieux que nous-mêmes et il sait là où on appartient. Souvent, le nouveau croyant, lui, est prêt à tout laisser. Hein? On sait. Le nouveau croyant est comme inconscient des dangers spirituels qui sont devant lui et du fait que la maturité ne fait pas partie de son expérience et il peut vraiment mettre des pieds dans les plats. Tu sais, un nouveau croyant, des fois, ils veulent aller dans la rue, ils veulent prêcher et tout ça, c'est beau. Mais parfois, il faut qu'il soit avec amour retenu pour fortifier sa foi, pour pas tomber dans les pièges, de retomber dans le monde, de perdre son salut parce que, oh, là, je prêchais dans les filles, aux filles dans un bar, puis finalement, ben, je suis allé chez elles parce que, bon, tu vois ce que je veux dire, ils sont pas assez forts pour soutenir la pression de l'ennemi et du monde. Alors donc, Dieu, lui, sait ça. Il voit ça à l'avance. Et il y a des moments où il faut restreindre nos désirs de servir de cette façon-là. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que Jésus dit « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » La maison du croyant demande sa première énergie, attention. La maison et le lieu de sa naissance, disons, demande toute l'énergie d'un nouveau croyant. Vous savez, quand vous êtes devenu chrétien, quand moi j'étais à Albuquerque, j'étais là-bas pendant presque 10 ans, je suis devenu chrétien là-bas, mon désir c'était de revenir à Montréal, de partager avec ceux avec qui j'avais grandi, des amis, partager avec mon père, partager avec les gens autour de moi, ma foi. Et ça, c'est bien clair, c'est plus difficile, et vous savez, on va voir ça la semaine prochaine, c'est difficile d'être un prophète dans son pays. C'est plus difficile de partager avec ses amis les plus près, sa famille, que de partager avec des étrangers dans la rue ou de rester à Albuquerque puis d'être apprécié parce qu'on est un étranger ou tralali tralala. C'est la même chose dans votre vie. C'est difficile d'aller auprès de ceux qu'on aime, parents et amis, vos parents si vous êtes plus jeune, votre mari, votre femme si vous êtes un peu plus âgé, vos enfants, les amis avec qui vous avez grandi puis ils vous ont vu, hein, ils vous ont vu faire les fous, prendre la drogue ou whatever, puis ils disent « Ah ouais, j'en ai vu d'autres Sébastien, je t'ai vu faire et essayer toutes sortes de choses, je te crois plus finalement ». Mais Dieu, il veut que ce soit là que ça commence. Et c'est clair, pour moi, par exemple, en tant que pasteur, c'est bien facile pour moi de prêcher la parole. Bon, ça demande d'énergie, mais est-ce que je la vis à la maison avec mon épouse Heidi? Est-ce que je la vis avec mes enfants? Est-ce que je suis un bon père? Est-ce que ma chrétienté est vécue dans ma maison? Même chose pour vous. Il faut que votre chrétienté, premièrement, soit vécue auprès des gens les plus intimes. Et c'est là que c'est difficile. C'est les gens qu'on aime qui vont nous mettre à test, qui vont tester notre foi. C'est vraiment dans la maison qu'on doit devenir un bon témoignage pour Christ. Et c'est là que ça nous teste, de toute évidence. Ensuite, Jésus dit « Va dans la maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. » Ça, c'est merveilleux. Raconte-leur tout. Vous savez, partager l'Évangile avec d'autres. Souvent, il y a toutes sortes de méthodologies, il y a des livres, il y a des conférences. Il faut simplifier ça au maximum. Racontez-leur tout ce que Jésus a fait. Premièrement, c'est votre témoignage. Et je sais que ce n'est pas assez. Mais premièrement, c'est là que ça commence. Il faut que les gens voient en vous une vie complètement chavirée, transformée. Il faut que vous soyez un nouvel individu. Ou sinon, tu ne peux pas avoir la même vie, la même approche à tout ce que vous faisiez dans le passé, puis dire en « Oh, c'est Jésus en cerise sur le Sunday ». Non, il faut que tout soit transformé. Et une fois que votre vie est vraiment transformée, une fois que vous avez vraiment permis à Christ de rentrer dans ces zones sombres, dans les garde-robes de votre vie, faire un nettoyage finalement, là, raconte-leur tout. Osez aux gens au travail, osez à la famille. Et ce n'est pas seulement être un témoignage, ça veut dire que bon, moi, je fais la bonne chose, je suis un chrétien, mais je ne dis rien. Hein? Le chrétien clouseau, là, la clouseau, oui, bonjour, je suis caché, là, ce n'est pas ce que Dieu nous veut. Dieu veut qu'on soit, Dieu veut que ça paraisse. Mais ce n'est pas facile de partager notre foi, on le sait. On le sait pour ceux qu'entre vous qui partagent votre foi depuis plusieurs années, on frappe des murs, les gens ne veulent pas en entendre parler, ils ne veulent pas changer. Mais ça, c'est entre eux et Dieu. Entre vous et Dieu, il y a cette responsabilité-là. Jésus vous dit, raconte-leur tout. Tout ce que j'ai fait dans votre vie, tout ce que j'ai fait et comment j'ai eu pitié de toi. Et ça devrait nous donner énergie, joie. Hein, il faut avoir une joie quand on partage l'Évangile. On ne peut pas être « Oh, le Seigneur m'a sauvé, c'est dur d'être chrétien, il n'y en a pas beaucoup, mon église est petite, Montréal n'y a pas de chrétien. » Non! Vous avez la vie des vies, il n'y a pas de vie plus radicale, plus merveilleuse, plus extraordinaire qu'être chrétien. Il faut que les gens voient ça en vous. Et de toute évidence, la preuve inaliénable, c'est que vous êtes un homme et une femme recréés de toutes pièces. Vous êtes un homme et une femme recréés. Je le vois dans chacun de vous, hein. Je ne vous connaissais pas avant, mais je sais, je vous vois, je sais que vous êtes chrétien. Je vois en vous une transformation. Puis si on prenait un temps, on prendra un temps à un moment donné, on prendra des temps pour partager nos témoignages, on serait tous étonnés, pulvérisés de voir à quel point Dieu a fait de belles choses en nous. Ensuite, on voit au verset 20, « Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'admiration. » C'est intéressant de voir que non seulement Jésus le retient, mais il y a une raison. Il se retrouve dans la Décapole. La Décapole, c'était 10 villes que je ne nommerai pas pour intérêt du temps. C'est 10 villes essentiellement grecques qui étaient du côté est du Jourdain. Et c'est un endroit qui n'avait pas été touché du tout par le ministère de Jésus et qui ne serait pas touché pendant la vie de Jésus. Et ce jeune homme-là se retrouve dans les villes de la Décapole et il serait la première personne qui aurait touché la civilisation grecque avant Paul, avant toute autre personne. Il faut que ça commence quelque part, l'évangélisation. Il faut que ça commence quelque part. Chacun de vous, vous travaillez, on s'en parlait, vous travaillez à un endroit où moi je ne serai jamais, où il n'y aura probablement jamais de chrétiens. Bravo pour le Québec, vous êtes le seul. Alors si vous ne parlez pas, qui va le faire? Il y a quelqu'un dans l'autre service qui travaille dans un salon pour les cheveux de très huppé, 70 employés, elle est la seule chrétienne de toute évidence. La seule chrétienne, si elle ne parle pas, qui le fera? Personne. Donc, la Décapole, c'est votre vie, c'est votre lieu de travail. Dieu veut vous utiliser, osez. Oui, mais ils vont penser que je suis fou. Vous ne l'êtes pas puisque votre vie est saine. Votre vie est saine. C'est sûr qu'il y a des temps pour parler. Allez-vous pas vous faire... Tu sais, tu es en train de servir. Moi, j'étais serveur pendant un bout de temps. C'est sûr que tu ne peux pas parler de Jésus pendant que tu sers ton repas. Il y a un moment où il y a des portes qui s'ouvrent, où on enseigne les enseignants. On ne peut pas dire, bon, j'enseigne la musique, hey, Jésus! Ça ne se fait pas parce que ça va contre les lois. Mais il y a toutes sortes de petits moments où votre témoignage... Cet homme-là a été appelé à toucher les Grecs pour la première fois. Et vous? Êtes-vous appelé? Êtes-vous appelé à avoir un impact dans votre communauté? Ensuite, nous avons parlé d'une grande intervention. Regardons une opportune interruption. Est-ce que nous avons le temps pour regarder l'opportune interruption? Jason, how long has it been? On y va. Une opportune interruption. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ah non, moi je veux que ce soit le mien. Ah, ben vous serez déçus. Tournez avec moi dans Ésaïe 55. Ésaïe 55. Grand livre de prophétie dans l'Ancien Testament, le plus grand livre encore, on se retrouve régulièrement. Ésaïe 55. C'est un passage qu'on connaît, mais c'est toujours bien de le revoir. Ésaïe 55, versets 8 et 9. C'est intéressant de voir comment ça s'associe à notre histoire qu'on va voir dans un instant. Ésaïe 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel, ou ce que dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées, comme la pluie et la neige descendent des cieux. » Ah, ben tiens, « et n'y retourne pas sans avoir arrosé. » On arrête là. « Et mes pensées au-dessus de vos pensées. » On revient dans Marc, on voit que le temps de Dieu nous surprend toujours. Personnellement, vous avez remarqué qu'on ne s'attend jamais à ce que Dieu fait dans notre vie. C'est toujours, hein, quoi, qu'est-ce qui se passe? Dans le verset 22, on voit ici qu'il y a un chef de la synagogue nommé, nommé Jairus qui le vit, se jeta à ses pieds. Le chef de la synagogue. Il le supplia instamment en disant, « Ma fillette est à toute extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. On continue. Or, verset 25, dans Marc 5, « Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et lui dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Verset 33, « La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Va en paix et sois guérie de ton mal. Cet homme-là vient le voir et dit, « Ma fille est en train de mourir. » Vous connaissez l'histoire? Ma fille est en train de mourir. Jésus, il joue pas de tour dans nos vies. Il ne fait pas d'expérimentation cruelle sur nous. On n'est pas des tests pour Jésus. Mais pourtant, ici, il dit clairement à Jairus, « J'y vais. » Et il commence à marcher en direction de cette petite fille-là pour la sauver. Et soudainement, son voyage vers la petite fille est interrompu. Est interrompu. Par une femme qui vient et qui touche le bas de sa robe. Et vous savez le reste de l'histoire. La temporalité est transformée puisque cette petite fille-là va mourir. Cette petite fille-là va mourir parce que Jésus sera retardé dans son chemin. Mais non, mais ça n'a pas de sens. Moi, mon timing, c'est que Jésus arrive tout de suite. Jésus doit guérir ma fille. Jésus doit guérir mon pied. Jésus doit me redonner un travail. Jésus ne peut pas permettre cela. Ça n'a pas de sens. Il y a une femme qui vient voir Jésus et elle avait des saignements. Ces saignements-là, c'est assez évident quand on lit, on parle d'un désordre menstruel, chronique. Hein? C'est des saignements féminins ou intra-utérins, une hémorragie intra-utérine. Pourquoi on sait ça? C'est qu'on voit de la façon dont c'est écrit et on voit parce que c'est rattaché à Lévitique 15. Lévitique, qui est l'enseignement très technique et très, disons, exigeant de l'Ancien Testament, et qui nous dit dans Lévitique 15 qu'une femme qui a un problème tel est et elle est remise au rencard, elle ne peut pas aller à l'église, elle ne peut pas être en groupe, elle est mise à l'extérieur de la société. Alors cette femme-là vit depuis 12 ans considérée comme impure. Donc c'est une maladie terrible, parce que ce n'est pas une maladie cachée, C'est une maladie qui t'empêche de vivre et physiquement et socialement. OK? Alors, c'est terrible. C'est intéressant, le Talmud, qui était l'enseignement juif, donnait 11 différentes cures pour ce genre de souffrance-là. Mais bravo! C'est pourquoi cette dame-là a besoin de Jésus à ce moment-là? Ben, les cures faisaient partie, il y avait entre autres des toniques, des astringents, bravo. Il y avait des superstitions telles transporter les cendres d'un œuf d'autruche dans un petit linge en été et un linge un peu plus large en hiver, bravo. Ensuite, transporter de l'orge trouvé dans du crottin d'un âne femelle. Et en faisant ça, ça va vous guérir. T'imagines les solutions offertes par le temps, la religion du temps. Ensuite, évidemment, on parle des médecins. On nous dit qu'elle est allée voir une série de médecins. Et les médecins, on disait dans le temps de Jésus que j'allais voir des physiciens, dit un homme juif du temps. J'allais voir les physiciens jusqu'au moment où plus j'allais les voir, plus je perdais la vision, il y avait problème de vision. J'allais les voir, à chaque fois que j'y allais, ma vision était un petit peu moins bonne, jusqu'au jour où je me suis retrouvé aveugle. Ça touche une personne qui travaille ici. Donc, si tu vas voir le médecin et ça empire, reste chez toi. Alors, on sait que la médecine, jusqu'à il y a à peu près 200 ans, c'était une médecine de boucherie, une médecine terrible où il te coupait, il te mettait des sangsues, il te drainait de ton sang pour te guérir. Des affaires incroyables. Alors, cette pauvre dame-là s'était retrouvée aux mains des médecins et aux mains des faux hommes de religion. Alors, elle arrive et elle touche la robe de Jésus. On voit ici, ayant entendu parler de Jésus, verset 27, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Tous les Juifs du temps, les Juifs dévoués à la foi, portaient une robe avec quatre petites boucles au bout de leur robe et qui représentaient à vous-même et à ceux autour de toi que tu étais un homme choisi pour Dieu. Ça faisait partie du vêtement traditionnel juif. Alors Jésus portait ça. Souvent on les a vus, hein, ces espèces de robes bleues et blanches, là, très israéliennes. Alors cette femme s'approche et elle touche à une de ces petites boucles qui dépassent de la robe de Jésus. OK? Donc, verset 28 ici, elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Alors pour elle, c'est la méthodologie qui compte. Si je peux toucher la robe, mais ce qui se cache derrière cette méthodologie, là, tu sais, toucher ceci, toucher ça, c'est que elle croyait, elle avait entendu parler des guérisons de Jésus et elle croyait que Jésus pouvait la guérir. Et ça, c'est merveilleux. Verset 29, on voit, au même instant, la perte de son sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ginosko, elle le sentait de façon expérientielle. C'était évident. D'ailleurs, on a peut-être eu des moments, des fois, où on va voir un chiro ou on va voir un médecin, puis il nous tripote, puis ah! On sait que c'est fini, on sait qu'ils nous ont guéri, on sait que c'est fini. C'est merveilleux. En ce cas-ci, pas de chiro, pas de médecin. Elle est guérie. Verset 30. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements? » Il le sentait absolument, nous dit le mot en grec. Il sentait qu'une force était sortie de lui. Bon, il y a différentes vues. Certains professeurs de la Bible pensent que Jésus ne le savait pas, il n'était pas supposé le savoir. C'est Dieu qui décide qui guérir et Jésus devient comme un instrument dans la main de Dieu. Donc Jésus ne le sait pas, Dieu utilise Jésus comme un agent. Ou plutôt, Jésus le savait, il le sentait et il l'a permis, il a accepté que cette femme-là reçoive la guérison, que la guérison sorte de lui finalement. Okay? Donc, on croit que Jésus le savait. Il dit, qui a touché mes vêtements? Alors, c'est intéressant. On va revenir à ça dans un moment. Qui a touché mes vêtements? Regardez dans verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Verset 34. Ma fille. C'est la première fois et la seule fois où Jésus utilise le mot « ma fille ».« Ma fille ». C'est un terme peu commun, peu utilisé par Dieu, par Jésus. Ma fille, ça indique quoi? Ça indique une relation. Ça indique que Jésus voulait établir une relation avec cette dame-là. Il voulait établir un rapport. C'est pas juste quelqu'un qui guérit, mais ma fille, qui m'a touché? Qui? Pas quoi? Qui? Ah, c'est comme ça dans nos vies. Jésus veut établir un rapport avec nous. Il veut établir un rapport. On voit dans Jean 1, 12, Dieu nous a donné le droit de devenir un fils ou une fille à cause de notre croyance en lui. Hein, souvent, vous avez entendu parler, les gens disent, ah oui, on est tous des enfants de Dieu. Non, c'est pas ce que la Bible nous dit. Nous sommes tous des créations de Dieu, mais c'est seulement par notre croyance, notre foi en Christ, qu'on devient des enfants de lui. Ça a un sens? Ça a un sens. Donc, ma fille, c'est sa foi. C'est sa foi en Dieu et non en la foi elle-même qui la sauve. Rapidement, Marc 10, juste un petit peu plus loin. Marc 10, 52. Marc 10, 52 dit la même chose. Un autre, on va en parler plus tard, un aveugle. 10, 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Et 11, 22. On continue, Marc 11, 22. Regardez ce qu'il dit ici. 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ah! C'est la foi en Dieu, c'est pas la foi dans la boucle de son vêtement, c'est pas la foi que Jésus est un guérisseur extraordinaire, c'est la foi en Dieu. Donc la foi n'a que de valeur, hein, on en a parlé la semaine passée, que l'instrument ou la personne dans laquelle la foi est placée. Elle n'a pas de valeur en tant que telle. Et puis il y a toute une théologie, comme je vous ai dit, qui croit que c'est la foi qui nous sauve. Ce n'est pas la foi, c'est la foi en Jésus-Christ. La foi en Dieu. La foi en Dieu. La foi en Dieu. En conclusion, cette dame vient, elle était à bout de souffle. Elle était comme ceux sur le bateau. Il n'y avait aucun espoir. Depuis 12 ans, elle avait tout essayé. Êtes-vous à un moment dans votre vie où vous avez essayé beaucoup de choses? Beaucoup de choses. Trois leçons pour nous. Ce qu'on voit ici, c'est que Jésus est affecté par cette guérison-là. Jésus, il ne se promène pas comme ça puis il guérit les gens, tu sais, comme on voit un petit peu à la télévision, finalement, mettez vos mains sur la télévision, puis oh, non, il y a un prix. Jésus, ça lui coûte de guérir. Il sent une puissance sortir de lui. Ça, on peut imaginer que ça a été épuisant, drainant. Hein? On a un peu ça l'image qu'on voit, tu sais, drainant. Le prix de la guérison. Pour nous, pour être des agents de guérison dans notre société, dans notre travail, dans nos familles, ça va nous coûter. Comme ça coûtait à Jésus. C'est pas comme si soudainement, les gens autour de vous vont se convertir. Oh! Non, ça va vous coûter. Vous allez devoir parler, vous allez devoir pleurer, vous allez devoir prier, Seigneur! Tu sais, comme on l'a fait tout à l'heure. C'est pas les gens se convertissent, pas comme des mouches. Et comme Jésus, oh, les gens sont guéris. Non, ça a un prix pour nous. Il y a du jus qui vont sortir de vous pour amener les gens à Christ. Ça, c'est clair. Et on le voit ici. Si ça coûte à Jésus, ça va nous coûter à nous. Ensuite, ce qui est intéressant et naïf, c'est qu'on voit les disciples. On voit les disciples. Mais Jésus, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu demandes qui m'a touché? Il y a du monde partout autour. En deux mots, c'est tombé Jésus. Tu sais, ils essaient de moquer Jésus presque. Et on voit finalement le côté, la limitation, la limite de la logique. Mais là, tout le monde te touche, Jésus, ça n'a pas de sens. Tu peux demander qui? Vous remarquez? Même il y a des chrétiens autour de vous. Mais arrête, là, allez à l'église. Parlez de ta foi. C'est pas nécessaire. Toi, t'es chrétien, t'es sauvé. Déjà beaucoup. Espèce de logique complètement erronée, petite, de l'humain, de nous-mêmes, finalement. On ne comprend pas. On ne comprend pas, mais ça n'a pas vraiment de sens, la logique. On n'y arrivera pas. On ne peut pas parler de notre foi. L'Église n'agrandira pas. Ça ne se peut pas, c'est même trop dur. Hein? C'est la logique, ça. Mais non, au Québec, ça ne grandit pas les Églises. Ça, c'est la logique. Mais Jésus, Jésus voulait un rapport avec les personnes qu'il avait touchées. Il y avait moyen de savoir qui l'avait touché. Et les disciples étaient complètement à côté, comme nous, la plupart du temps, on est complètement à côté de la traque. Hein? On est limité. Puis ensuite, ça nous dit quelque chose sur la femme, c'est qu'elle a admis son besoin. C'est pas évident, devant des milliers de personnes, de venir dire, écoute, j'ai un problème. Elle a admis son besoin. Et ensuite, elle a touché Jésus sans lui demander, parce qu'il n'y avait pas moyen de lui demander. Et là, Jésus, qui m'a touché? Et elle, c'est moi. Elle admet devant tout le monde qu'elle a un peu pris avantage de la situation. Elle confesse. Comme vous, comme nous, il faut admettre. Premièrement, la conversion qu'on a expérimentée vient du fait qu'on admet, mais aussi après, il faut admettre à Christ qu'on est dans un besoin profond. On est vraiment dépendant de Christ. Il faut l'admettre. C'est gênant. Il faut même l'admettre auprès de nos non-chrétiens. Moi, je suis pas capable de rien faire sans Christ. T'es donc bien niaiseux. Moi, je peux tout faire sans Christ. OK, on s'en reparlera quand tu seras sur le bord du divorce, tu sais. On s'en reparlera quand ton père, ta mère, toi, tu seras malade. On s'en reparlera. Vas-tu être capable? La réalité, on sait très bien que c'est non. Mais nous, donc c'est ça. Il faut admettre. Et ensuite, on va à Christ. Puis cette peur-là, cette inquiétude-là, elle va se dissoudre, puisque Dieu va toujours dire, viens mon frère, viens ma sœur, viens mon fils, je t'aime. Puis on embarque sur ses épaules, sur ses genoux, et il nous aide. Alors, une grande intervention, une opportune interruption, oui, cette jeune dame-là va mourir parce que cette femme âgée va être guérie. 12 ans de grande souffrance, et c'est intéressant de voir que la jeune fille qui meurt, elle-même avait 12 ans. Il y a un sens ici. 12 ans de grande souffrance, 12 années, et c'est la mort. On va voir que dans les interruptions que Dieu permet dans nos vies, les souffrances que Dieu permet dans nos vies, il y a un sens profond. On continue la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Partez en paix, et si vous êtes sur un bateau qui brûle, faites attention aux requins. Non, sachez que Christ envoie un hélicoptère, que Christ va vous sauver, qu'il y aura moyen de survivre. Alors soyez en paix. Soyez en paix. Seigneur, on te remet ces enseignements-là, on te remet ce démoniaque sauvé, on te remet cette femme, et on te remercie de leur exemple pour nos vies, qui est utilisable de toute évidence. Parle-nous, Seigneur. Guide-nous cette semaine. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.